J'arrive à bout de souffle, exutoire je m'exprime. Un soir de plus seul où j'ai la rime assassine. J'ai cru en l'ami, celui que t'appelles frère. Fier d'être des tiens jusqu'au jour d'aller te faire foutre entre autres. Même les plus proches peuvent te la mettre. Approcher dont les tâches, dédicace de quelques lettres. Changer donc de rivage, j'ai mangé vos mensonges. De vous je me désengage vu que ma présence vous ronge. J'ai même cru en l'amour, je vois encore son visage. Avant de faire mi-tour, lâcher, laisser dans un virage. Des pages sur un parcours, engage de bons souvenirs. Discours qui me donne la rage, me donne l'envie de vomir. Ben ouais, je suis borderline, l'art de ce mélodrame. Germe la colère de mon sort, la mort dans mon épiderme. Et merde à vos consciences, vos excuses je m'en balance. Il me reste l'errance vu que j'ai usé votre cadence. Marginal dans mes gènes, en dehors de vos normes, en dehors de vos formes. Moi c'est le fond que j'aime, j'amasse les peines. Les déceptions s'enchaînent, je m'acharne dans la haine, en possession de mon ADN. Ma roue est comme ce monde, je crois qu'elle tourne à l'envers. Avoir cette vie immonde, je voudrais tant partir ailleurs. Écrire à cœur ouvert, prêt à péter comme une bombe. Avant de finir ces vers, je me resserre un verre d'ailleurs. Oui j'ai la rime sévère, ça pue l'intolérance. Un taux de pure vengeance, assassine en solitaire. Je n'ai plus rien à perdre, allez passer le message. Regardez mon visage et la lourdeur de mes cernes. Cernez bien ce passage, je compte ma vie en secondes. Donc serait-il bien sage de m'entraver quand je passe la seconde. Resserrer les taux, puis étreindre l'étendard. De la colère tendue pour la détente, il est trop tard. Partir pour aller où? Je crois que j'ai ma place nulle part. Le pouvoir est partout d'appartenance à des bâtards. L'espoir est pour les fous, Dieu je pourrais pas y croire. Respect à vos croyances, je suis dégoûté pour ma part. Bien sûr la vie me dégoûte, l'homme en est responsable. Et je dis sans aucun doute que vous en êtes tous coupables. Esclaves de vos routes, de votre confort si cher. Avardissement clé de voûte pour un fort esprit bancaire. J'abrège et je vous somme de comprendre ces versets. Pourrais-je reprendre la peine de vivre à vos côtés? Ou pour entendre je t'aime et être crédible il faut du blé. Ou pour monter sur scène et être type faut être coté. La musique mon rap, mes larmes ma lame. Ma rage mon arme, ma dague mon âme. Je crame des pages à outrance par ma hargne. Outrage et errance, plus personne je n'épargne.